Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe de voir la vie, chacun sa façon de respecter son ami, à chacun sa façon d'aimer, sa façon de donner, à chacun sa façon d'aider. Ouais, je préfère marcher seul que mal accompagné. Yo les bas en face, mais yo cachaille de l'eau en panier. Nous au même bateau, mais c'est les mêmes cabanes. Si tu bouges pour moi, moi je bouge pour toi. Fier, laisse pas la tête, ne lâche pas l'affaire. Frère, tête haute, on n'est pas en guerre. Frère, on doit suffire de sang et de chair. Des fois je me dis que certains devraient redescendre sur terre. Hey, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Et si on fait, on fait, on fait de voilà pour essayer. Mais si ce qu'a mis ses bambous qu'attend nous décéder. Nos kebayos sont vérités même si ça blesse yo. Si les yokai qu'on boit nous qu'elle essaye yo. Et si on fait, on fait, on fait de voilà pour essayer. Mais si ce qu'a mis ses bambous qu'attend nous décéder. Nos kebayos sont vérités même si ça blesse yo. Si les yokai qu'on boit nous qu'elle essaye yo. La vie, l'énergie, la force, la lumière, l'envie d'être en vie. Chaque personne est unique, chaque personne est magique. Survivant de l'enfer, tous les êtres sont magnifiques. On a le poing serré en direction du ciel. Sache que les sons de fouet ont déployé leurs ailes. Caché sous nos palabres, c'est un trésor de merveille. Aucun homme ne voit le jour sans être muni d'un potentiel. Manuel intellectuel, artistique ou spirituel, sportif, philosophique ou bien pouvoir charnel. J'suis en mission, j'dois motiver les troupes avec conviction, quitte à cracher dans la soupe. Garde la tête haute, reste fier et marche droit. Lève-toi, bats-toi, défends tes droits, disait Marley, je crois. Chacun porte sa croix, si elle est trop lourde pour toi. L'une en fait la force, donc apprends quand tu voleras. Et si on fait, on fait, on fait de voilà pour essayer. Mais si ce qu'a mis ses bambous qu'attend nous décéder. Nos kebayos sont vérités même si ça blesse yo. Si les yokai qu'on boit, nous qu'elle essaye yo. Et si on fait, on fait, on fait de voilà pour essayer. Mais si ce qu'a mis ses bambous qu'attend nous décéder. Nos kebayos sont vérités même si ça blesse yo. C'est les yokai qu'on boit, nous qu'elle essaye yo. N'écoute pas les mensonges des langues de vipères. Peu importe tes erreurs ou tes échecs scolaires. Le prof qui humilie suscite en moi la colère. Celui qui se croit au-dessus est toujours celui qui perd. Aide de l'amour propre même si le destin est dur. Car l'espérance vit sur l'amour des ordures. Donc crois en toi et fraye-toi un passage. Le jour où t'as le blues, reviens écouter le message. Fier, laisse pas la tête, ne lâche pas l'affaire. Fleur, tête haute, on n'est pas en guerre. Fleur, on doit suffire de sang et de chair. Des fois je me dis que certains devraient redescendre sur terre. On fait, on fait de voilà pour essayer. Mais si ce qu'a mis ses bambous qu'attend nous décéder. Nos kebayos sont vérités même si ça blesse yo. C'est les yokai qu'on boit, nous qu'elle essaye yo. Et si on fait, on fait, on fait de voilà pour essayer. Mais si ce qu'a mis ses bambous qu'attend nous décéder. Nos kebayos sont vérités même si ça blesse yo. C'est les yokai qu'on boit, nous qu'elle essaye yo. Et si on fait, on fait, on fait de voilà pour essayer. Mais si ce qu'a mis ses bambous qu'attend nous décéder. Nos kebayos sont vérités même si ça blesse yo. C'est les yokai qu'on boit, nous qu'elle essaye yo. Et si on fait, on fait, on fait de voilà pour essayer. Mais si ce qu'a mis ses bambous qu'attend nous décéder. Nos kebayos sont vérités même si ça blesse yo. C'est les yokai qu'on boit, nous qu'elle essaye yo.